Fichier EC. Ah, 22. C'est confirmé, c'est un fichier EC. Un intellect vif, toujours en éveil, il voit les dangers, il brise le sommeil. Avec une voix claire, il lance l'appel. Pour éveiller les âmes, il est essentiel. Il éclaire la nuit, il guide nos pas. Avec son jugement, il montre la voie. Il défie les ténèbres, il ne faillit pas. Son cri résonne et jamais ne s'éteindra. Vif, agile, il court sans relâche. Il brise le silence, il fend les attaches. Avec une détermination, il chasse les ombres. Il éclaire les esprits, il les rend le plus sombre. Vigile, là, et prompte, il sonne l'alarme. Il chasse la peur, il brise les charmes. Avec une lumière, il éclaire le chemin. Il prévient le danger, il veille sur les siens. Il éclaire la nuit, il guide le pas. Avec son jugement, il montre la voie. Il défie les ténèbres, il ne faille pas. Son cri résonne, jamais ne s'éteindra. Fougueux et ardent, ils pressent l'alerte. Ils font la nuit, ils gardent la porte ouverte. Avec une force, ils brisent les chaînes. Ils écartent les peurs, ils éloignent les peines. Les peines, il éclaire la nuit, il guide nos pas. Avec son jugement, il montre la voie. Il défie les ténèbres, il ne faillit pas. Son cri résonne et jamais ne s'éteindra. Frais. Il réveille les consciences, il brise les silences, il chasse les absences. Avec une voix forte, il sonne le tocsin et il écarte les dangers, il veille sans fin. Il éclaire la nuit, il guide nos pas. Avec son jugement, il montre la voie. Il défie les ténèbres, il ne faillit pas. Son cri résonne et jamais ne s'éteindra. Dégourdi et mobile, il montre le chemin, il lance le signal. Il veille sur les siens avec une vigilance. Il prévient le péril, il éclaire les esprits, il les rend subtils. Subtil, il éclaire la nuit, il guide nos pas. Avec son jugement, il montre la voie. Il défie les ténèbres, il ne faillit pas. Son cri résonne et jamais ne s'éteindra. Avec courage, et vers eux, il brise les chaînes, son esprit critique, une lumière dans l'ombre. Il défie les censures, ignore les peines, et son cri résonne et jamais ne sombre. Un fichier ES, comme esprit critique, voire complotiste selon les renseignements.